C'est le 27 février 2015, au 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse, France. Et il y a quelque chose... Un soupçon d'imagination. Quelque chose... De l'humidité à nos jours, d'irrespect. Les anciens, adorant le seigneur de l'anus, enflammés qu'ils sont en travers, et d'autres. Des soupçons pèsent sur la légèreté, inadvertance de l'arrivée d'autrui, sur table rase. Et, en effet, l'enfant déboule sur bon dos, et l'irrationnel se couche en travers du sol, le chemin de fer, cheval vapeur, ferronnerie. Fonderie de clauses contractuelles, enfin, ils s'y trouvent, elles s'y font, moelleusement. Les disparates appareils déclinent l'offre intrinsèque, ainsi que les horizons flous se dispersent sur l'île de noyaux de cerises. Aussi, l'absolu ne fait pas l'ombre du doute. L'oubli des autres, soit. De la circulation, et j'oublie le pratique en pensant sous condition. Je vois l'intérieur de la star décocher, schisme, tremblement de chiite et plus. D'autres aperçoivent les possibilités floues, et les autres, intransigeants qu'ils et elles sont, foisonnent dans l'ultime racine des fleurs. Flairons l'inaccessible. Accédons au dernier. Et pendant ce temps, la terre et sa rondeur, n'oublions pas l'éternelle connaissance de soi, les utes et rées, autres notes du passage de main en bouche à oreille, le secret oublié de l'autre. Iniquité de l'absolu tergiversant. L'oublieux système de conduite corrige les autres des soi. Le profond être obnubilé par l'amour floué se dessine les ombrages et les autels non décrits, décrit les injustices tergiversations de l'ultime, dernière descendante de l'ascendance familiale. Je vois les autres choses tournoyer sur elles-mêmes et je perçois les entendements exclus, rejetés. Le fond de la blême blafarde livide aurore ne fond pas les décibels d'un trop sombre appel, n'épelant pas l'entier, la conforme voix au subtil désert de l'âme turgescente. Maligne obsession. Ainsi, il se trouve sur fond de désertique nuée, une ombre claire et obscure, partiellement écrémée. Le fait des nues, du ciel, des cieux étoilés, nébuleuse fratrie et sœurerie, scorie de mots, lépreuse arrivée sur le dernier ultime recours. Une goutte de ratiocination sur le lit de poire. Les pêches dans la fraise se brisent, ne brisent pas le recours. Et le soupçon de main, intransigeamment, intègre. Thank you. Something very wrong going on. Something very wrong. There is something going on Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. We just don't know what it is. We just don't know what it is. Là justement qu'on discutait tout à l'heure, on discutait d'une chose terrible, et cette chose terrible, c'est justement la nomenclature, comme une rature. Comme je disais, et c'est justement à ce moment-là précisément, démentiellement, con que je suis, que j'ai ouvert l'attrait, l'attrayant décevoir, toujours en direction de la nuit. Personne, non personne. La violence symbolique. La domination masculine trouve ainsi réunies toutes les conditions de son plein exercice. La préséance universellement reconnue aux hommes s'affirme dans l'objectivité des structures sociales et des activités productives et reproductives, fondée sur une division sexuelle du travail de production et de reproduction biologique et sociale qui confère à l'homme la meilleure part. Et aussi dans les schèmes immanents à tous les habitus, façonnés par des conditions semblables, donc objectivement accordées, il fonctionne comme matrice des perceptions, des pensées et des actions de tous les membres de la société, transcendantaux historiques qui, étant universellement partagés, s'imposent à chaque agent comme transcendant. En conséquence, la représentation androcentrique de la reproduction biologique et de la reproduction sociale se trouve investie de l'objectivité d'un sens commun, entendu comme consensus pratique doxique sur le sens des pratiques. Et les femmes elles-mêmes appliquent à toute réalité, et en particulier aux relations de pouvoir dans lesquelles elles sont prises, des schèmes de pensée qui sont le produit de l'incorporation de ces relations de pouvoir et qui s'expriment dans les oppositions fondatrices de l'ordre symbolique. Il s'ensuit que leurs actes de connaissance sont par là même des actes de reconnaissance pratique, d'adhésion doxique, croyance qui n'a pas à se penser et à s'affirmer en tant que telle, et qui fait en quelque sorte la violence symbolique qu'elle subit. Les indices verbaux ou non verbaux qui désignent la position symboliquement dominante, celle de l'homme, du noble, du chef, ne peuvent être compris, un peu comme les galons militaires qu'il faut apprendre à lire, que par des gens qui ont appris le code. Le code. Le code. Code. Le code de la pratique. C'est tout à propos. Le code. Et c'est à ce sujet-là, justement, démentiellement con que je suis. La voix, toujours la voix, la radio, ça paraît normal en même temps, évident, n'est-ce pas? Mais c'est suivre qui m'en traîne, justement, dans quelque chose. Suivons-nous ou ne suivons-nous pas? Bélance même que la question. Non, c'est vrai ce que je dis. Always going on. It will never stop forever, you know what I mean. That this little introduction has had its little effect. Les volets violés, les portes volées, cassées sur le travers, les ombres se déplaçant en long et en large. Voilà, c'est comme ça. Mais les envolées gracieuses sont tristement célèbres, et les ermites à la cage, les cellules sont occupées, téléphones, les ombres sont placides comme l'ultime erreur. Alors que voilà, les voies sont obstruées par tant d'erreurs. So, now that's that. Things are so rotten and putrid, dissatisfaction glows. So what's happening now or never? Or should it be that things are so? So things, as I've said, are just so. So, even that things are all rotten. When? Quand les choses changent, les erreurs se rétablissent, de et au travers. Quand l'effet est passé, la survenance de l'effet néfaste ne devient que peu. Lorsque la chute a son effet, l'ultime ne dépassant plus, pourri, rature, obscène, vulgaire, atrophie, simple et difficile chiffre à atteindre, non, que, d'un côté puis de l'autre, ça se balance pour rétablir, en finition, il n'y a pas d'erreur en marge, folie meurtrière, when it all happens, that's what it's all about, I had it, when, what I'm talking about. Things will go on being with or without me. Depreciative act and state. État dépréciatif. Voici. Insolence de l'aura. Ambulation de croisement. Mitigance. D'une part, d'autre. Puis. Hello. Insectoid. Insectoid. On the 20th December 2010 to the 16th of September 2011. The essentiality of thing composed mainly of rubbers and, as of circumstance, effect known to be the same directory as of old. Being that the known factual evidences of yet to be untold, les aboutissements contemplés par fenêtres voilées, possibilité des inconvénients toujours de pareil comme stupeur stupéfaite. There's a waste of stupidity in the air, rancid and all. Le cadavre du papillon exhibé au monde, relevé à tête pour brûler le soleil des yeux. Et se caler en direction de la lasure qui enchaîne au poteau. Alors voilà. L'interdiction du plateau éphémère est abolie, l'ombre est installée, l'insectoïde a commencé. Et c'est à ce moment-là précis que le mec se demande pourquoi, pourquoi pas après tout. Mais non, la femme, non, ce n'est jamais le cas, c'est jamais le cas. Et ce sera toujours pour la même chose, que l'on ne se battra pas pour la merde. Et la merde, on ne se bat pas pour la merde. Et c'est pour ça qu'on ne se bat pas pour la merde. Que la bizarrerie sur le tas de merde, c'est nous. Merde. Car nous sommes le flanc moisi de l'arrogance et d'une passion oblitérante. Nous, les rats, sont de cet acabit. Et les princes, et les tantes, et les cons, la merde, aussi. Elle est de cet acabit. Et non pas. Les calamités neutres. Ce n'est pas le cas. Et ce ne sera pour les autres que la passion qui n'est jamais. Plutôt que crever comme une merde. Et c'est ça le truc. Plutôt que crever la merde. Pas après tout. Vivons la merde. Non. Soyons. Ce n'est jamais le cas. Enfin, ce pourtant, de vue, là, nous n'avons jamais vu ou revu la situation vécue. Même que cet avenir-là est bon, comme un bonbon qui pue le caca. Cette merde-là, c'est nous. Comme un vieil étron puant, amèrement, son existence. La fausseté d'une complaisance dans le mouvement. Cette amertume, bonne. Después, sonne, fondement. À nos jours. Point de vue purement scabreux. La tergiversation. Toujours, elle ne dénonce pas l'aboutissement le long du tunnel. De concert, les âmes survoltées sont prises en main, en charge. Par des concepts familiers comme ceux des autres, ainsi. Alors, comme d'équivoque, les possibilités ne dépassent ce point. Pourtant, il est un temps où toujours le monde règne, comme un roi et une reine fonctionne. Le passage en changement. Et comme ce ne puise la fonderie que dans un anus doré, comme qui dirait, le four de la possession matérielle, analogiquement aux contondances. Faction de nazillards nauséabonds sur une île sphéroïde. Les oublis momentanés figurant toujours le point crépusculaire. Quand je reviens en charge extrême de rivalité putréfactionnante, les parias, comme les nantis, obsessionnent. Et si les fières capitulations ne sont pas vaines, que sont-elles? Car n'oublions pas le propos, le sujet du verbe, le par, qui, quoi, comment, etc. Pourtant, la semblance ne réside point en la finalisante finalisation, sauf dans le hante d'un présent participant le long du couloir de la morgue. L'aurore des cadavres et la moisissure plurielle ne permettant toujours pas la densification atmosphéroïde. L'être humain n'a d'autre choix que de mourir. Et la fin est telle. Ouais, chouette. Comme de la thune qui symbolise la guerre, et tout en demeurant. Soit le sacrifice automatique. La merde, c'est que de nouveau pas, l'omnibilance de la présence occupe la place de métier à art. Discipline et la loque meurent en tout à tout. Mourir la la merde, voilà, merde que je n'absorberai pas. Là, vérité, là, encombrance d'une planète, un corps en travers, des tendances, seules, sur un banc, laissées à l'abandon. Vérité, es-tu seul? Mens, tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir tel le choix vrai, son mensonge, de chaume dur. Toi, n'aide pas non plus, exorcisme résidera. Pourtant, le bleu de ma voix est toujours stationnaire. Paranoïa, omniprésente, que la volonté obstrue. Pas à pas, un être né, vaste, membre. Le vampire suce un sang impur, d'impur. Voir l'impureté de nos êtres, à nous, des façons de sorcières, attablées d'affliction. Gigantisme non fonctionnel, impossibilité conditionnelle. L'absurde des raisons. Petitesse. Attassage de tabac à niveau. Des antres absurdes, patrouillants, déraisonnants, vers un sûr destin. Accablé qu'il et elle sont, tel, il ou un contraire. Des raisons de s'en fier à leur possible. Passant de la traverse à la nouvelle vague, obstruée par une animale pensée. Les fauteurs troublés troublent donc. À éliminer comme les légalistes, éliminer, éliminer, éliminer. Un temps magnifique posé sur une chatoyante ombre spatiale. Des voûtes, une structure, un relent fatidique. L'île est mensongère, émancipée, régulatoire, la détente, voulue. Au plus de sanctions, permissives, réactions. Réaction d'oubli de sale race, espèce, pièce de monnaie courante, rattachée à une augure mauvaise au bas. Tendance d'une assurée réticence, la table se mettant en quatre plis, séparer, dissocier les flocons, alors qu'un autre soi, devrais-je dire moi, pointe un bout de nez. Alors que les interventions un temps pestantes assurent le maintien en bonne et due forme, l'inconvénient étant une autre fois passé, toujours d'un côté comme de l'autre, une nocturne prend fin. Tel un bébé, la merde croît vers l'ultime merde, celle d'une humanité suffisamment merde, suffisamment morte d'avance, écroulée dans le cercle du confort visqueux et vicieusement normativiste. Visons le pur, éliminons l'impur échec que cette vue-là, comme les choses d'un autre monde, celui de l'échec humain, le total et crédule anéantissement. Décréation d'une nature trop comprise, le pouvoir ample permet la puissance d'être et d'avoir, la puissance de la pensée unique qui nique, qui nique, qui nique, pour toujours. Sur un semblant rosé, un cul, un cul. Semblance seule, cette rosée-là, avec un gros cul. On nous chie dessus, riant à jamais, devenir absconce, ou sans tête à changer pour paraître le mieux que hier. Alors que hier, hier, n'oublions pas la réaction des autres, pour ainsi dire jamais, pour ne jamais dire à quiconque que tout est vrai, l'absurde comme le cohérent, mais que personne ne l'accepte, ou seulement par utilité. Alors crevons les abcès, sont tous crevés justement, eux. Alors fonçons droit comme des i en avant, à l'autre ciel, celui dans la tête, faite à jamais, pour en chier, par pire qu'un merdique être humain. Pas pire qu'un merdique être humain. Bell curving, melodramatically, twisting feathers of gloom, or not so much as said, rights being the making of the fun of not standing up to them. That's what it's about. The horror believable, for true, and be for, so as to say, noise is forward, so go it. Noise is true good. What I say, oh yes, but they all believe what they say, so be it. Death, annihilation of feathers, plucked. Annihilation. Ah, the wind, being shit, so as to it, eat it, ce ne semble pas, it does not seem, though rancidly, ever after the total effectivity, non-random, destruction of credibility, human fuck, die, die. To the whole gusts of wind and trees of minds they swindle, data forming data, to the lately bred, to holy fuck, killing will resolve studies of worst, never forcing, always willing, c'est dans la volonté, inertie vraie, en sens logique, pour toujours, le fameux continuité, pour n'en finir qu'avec soi ou l'autre, c'est la même, merdique chose, alors que indication et possibilité ne coïncident plus. En point de rupture, mais en point de bascule, abandonné, jamais pour ainsi dire jamais, toujours, toujours, ouais c'est ça, la maladie, la mort, l'horreur, la merde, c'est humain, alors que toutes les bonnes choses, c'est non humain. De travers et d'autre de la civilisation, se révèle la vérité humaine. L'anti-humanisme comme solution privilégiée, comme échappée de la vie humaine, autant dire de merde ou à chier, destruction de ce faux espoir, solitude cosmique, respiration, pensée puis rien, l'onde du rien. Car le tout n'est rien qu'une fausseté, subalterne au rien. Anti-rien et rien, greffé, osmose en parallèle, comme d'avant en arrière, les glottes polyglottes, the crumbs, that's what deserves humanity, the crumbs of its own shit. Cruelty being salvation, salvifique, expédie-moi ça en dehors du lot, a lot more fun to do than despite the spite. No sense of humor, as in no laughing, no smiling, despite the factual content and contenthood. As if skepticism failed to do what it's supposed to, comme prévu, le doute s'installe, sans force, le rire et le sous-homme que je suis ne font qu'un, un avec l'immense merde dont je fais partie, une avec la gigantissime demeure. Humanité, quand ton caractère identificatoire te trahit, que dis-tu de toi? Je ne dis pas, je ne dis, je, ne, je, j'en ai rien à foutre de tout ce fatras incessant comme du non-incessant d'ailleurs, car l'incessance comme cessance est mécanisme dévoilé de représentation. Alors distortons pour ainsi dire en insectes purulents, organiques, sur travers de porcs à la limace dorée, cramons nos cramoisies à nous, nous, c'est-à-dire, il y a des premiers et des derniers, des entre-deux temps, des passions oblitérantes, des cramoisies dorées. Alors solutionnons la problémance en transparençant l'honnêteté. Les passions oblitérantes disparaissent, les unes et les autres se fondent en un espace donné. Les présences de formulations ne remplacent pas l'ordre naturel. La justesse de l'incité dévoilée, les phénomènes entraînent pouvoir voir ou écouter. N'y croyons pas une seule. Dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue, est-ce dialogue. Dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue, dialogue. Dis-moi, toi là-bas, t'es quelqu'un ? Some shit going on. That's how it is. So be it. The shit. Glory to it. The shit. I want to eat and die my shit. To fuck the shit itself out of me. sacrificial terms of contractual helpings of mindless imaginations, or are there elsewhere inhabitations of another meaning? The other being us to you cruel, and they all them shit heaps of all the these humanities. Shit heap to us, shit heap to I mean, shit heap to me, humanity, me, so be it. The fucking is over. Dead blocks are taking their place. Anxiety falls in an ashtray of God. And all the others serve something. I'll sub something. Like anything is going on. That's what I think. Fuck it. It's not like we're here. You know what I mean? It's not like we're here. It don't matter anymore. We're never going anywhere. La discontinuité, la permanence, les rapports addiction à l'existence. Oh yeah. Pendant longtemps, les passagères réactions omnibiles. Pendant ce temps, la Terre, une planète, tourne toujours ses arrondis. Le temps, comme un étang, croupit dans sa fange. Bien que l'omnibilance ne déraisonne, elle assène. Et troublant le désespoir, elle n'espère. Bien que cette masse déformée mente en déformant, rien ne fait tout. Pas que le pas ne trouve sa place pas à pas. La forme approximative du nivellement pourri. Le désordre installé, dépassement, l'entendement de misérable, les revenants familiers morts d'une ère. Bien que les êtres humains existent qualitativement, la quantité existe elle aussi. L'art de vivre trépasse les points non finaux, bien qu'il ne soit inespoir ou non. Les insectes reptiliens fusionnent, prenant ainsi les uns des autres. Les expériences collectives pour le dépassement, ou plutôt le trépassement des autres, espèces de merde. Qualitativement parlant, bien sûr, peu de choses pour les uns et les autres, respectivement égaux les uns aux autres. L'élimination subséquente et totale de toutes et tous, conséquence de l'être anthropique, domaine dystopique, s'il en est. Bien que la possibilité de vouloir la folie, bien qu'elle ne soit pas entendue car inentendable, la queue, comme fil d'attente, permet toujours tout. Et alors me dira-t-on, eh bien la cause bonne, s'il elle en est, résout le problème, conséquence, comme l'être néant, pouvoir d'absolution par, comme je l'écrivais, l'éliminative, potentiative, potentielle, l'éliminatif, potentiel, l'éliminatif, potentiel, l'éliminatif, potentiel, l'éliminatif, potentiel. Thank you. passionnel agissant sur le tranchant. La passion de l'agir en tant qu'humanisation de l'instant. La machinale, machination, machine, les machines, machin. Alors que de l'autre côté des agirs travaillant sur le groupe, ça se transpirant la pointeur de l'eau des poteaux. Machinale, machination, machine, machin, machine. Les autres camemberts chiffrants, les tromperies, le vagueness, le stimulation on the inverbal transitional verge of A, B, C, and etc. What I mean is, the thought patterns are shaping randomly the freedom, only best of known to humanities and beings, the way. Feel the same one is transitional patterns from outer space, whereas I feel communication is only one ethics and rummaging. Unons l'être humanité one and only. La préciosité comme infériorité, pas de transition. La destruction de l'azur, des agrégations, des enchantements, des espoirs. Alors que les noyaux demeurent sur le tas, les observateurs, soldats de l'or, les guns sont mis en main par le subtil. Pénibilité d'appartenance à l'ensemble reposant sur l'angle, pierre d'achoppement de l'industrie impersonnelle en tant que prise de bec, prise en main, prise de parole tout en cas, les sandwicheries, les badges, Badgers and Ladbrook. The horizons are horrid, like riding off an adventure. The end is high and nigh, near to us, next to me. Les horribles transpirances molles ne suffisent plus à voir. So when I dream of shit heaping. That's that. Like all my brethren, I am shit. And that's for sure, it sure is. Alors que dire de l'azur? La bleubitance comme tergiversationnance, comme un bleu pourri par le gris puant, comme un vert séché sur une terre aride. As I was saying, comme tout dérisoire, les stéréotypes ne suffisant plus, alors que le bonheur est absent. La justesse triste, le climat favorable à l'odoriférence, tout y est. So the sweetnesses are languidly placing the favors out. And as I was saying, everything is gone to pots a while back, that's for sure. But the boxes are shaping in shades of gray, in horrible rooms, padded with stringy entrails of putrefying dis- and non-satisfaction. That's what it is. C'est ce que c'est l'horreur langueur, la passionnance d'un azur bleuté en travers de la face de rat pourri crevé que nous sommes fiers d'être. Humanité, je me hais. Humanity, I hate me. De haine, une qualité de haine, pour se permettre grandement l'azur ne font qu'étaler l'obnubilance à l'égard de A, de la haine, là un savoir commun et collectif de l'autre, étalage pourtant si enragé, ne pouvant pas bien mettre vie, un comme sur le rouge sang. À ce que l'on écarte un peu mieux celui de moment train permissif vif de soi de l'évidence puis qu'étalant un adéquat pour ainsi à l'autre échelonner étalonner savoir faire se permettre pourtant primitif fait talonner sur un étalonnage, l'autre fermi azuré de verre ou sanguin, et le rouge de l'autre. Soit l'échelle de la même l'azur, c'est ce plus le nerf de soi, les gardes vrais fond en vrai, vif dépend dans crapure vérité, croustillement, ce que je dis, réactionniste, comme et absolution sans piternelle, paillette de rouge consanguin et soqueuse. Permissive réaction gueuse, toujours interdit, vomi sur le tard, atrophié, et même que c'est vrai ce que je dis là, de la lassement sur un ciel, se laisser se haler, lassement, à la fin. Ne plus de soi. Ne plus de soi faire une armée écoulée de la plafond sur ta main. Un tas d'indices à la rue de l'azur, pourtant, pourtant longueur, et sur un tas de pourtant de fois long d'une volonté lâchée. Elles qui sont ces ce araignée la basse voulue, pourtant si digne bleutée, échelonnée, permet toujours de choisir 1 à 10, cette fois leur poids, cette en or, elle remporte azur, un franc, succès ville, azur, créationnelle, digestivement sur ce que je vois. Or là, souci de l'azur, un rayon d'étalage, que l'on voit cette oui, toujours penchante, comme cette comme en retour sur soi, reloisant sur un tas appareil, sur ce des pommes, la permise anticipation d'un spéculatif là, permettant du monde de vivre. Comment sauver ça? Verbe, marcher. Pourtant l'immondice, l'immondice de tout, à l'heure, alors que le alors, que d'immondice. Extrême 1, où tant les lignes ainsi ramenées, même transitoire, sève et sillon, linéairement, ciel, à soi-même, même que qui ignorait elle, ne se tergiverse, laissant toujours azur, pourri de l'intérieur, c'est bas. D'un coup grand, révolution, action. Mais bien plutôt contre le pouvoir qui programme sur place l'âme, l'envie des soins pour recevoir les anticipatoires. Je ne permets pas l'azur. C'est une avec souciance toujours de la sorte d'éducation. Je bloque, je passe, je vire au bout. Je me sens pas. is more than a human. Des ratures que nous sommes, ça commence. larmes. Ces larmes sont acides. Elles ne sont pas pressées de couler. Elles coulent en brillant la noirceur de l'âme. Brillantine de l'âme. Les larmes ouvrent sur la compassion sempiternelle. L'éternité ouvre la chandelle. L'éternité de la langueur, la torpeur, l'insensible débilité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement Jimi Hendrix qui joue Venu de la tombe. À côté, il y a Eric Clapton qui est mort aujourd'hui et Michael Jackson qui va chanter pour vous ce soir au fond de son urne cinéraire. Ciao ciao. Je me casse, j'aime pas les morbides. Zano. Thank you. En avant profondeur. Nulle part n'il y a-t-il de pas à pas en travers de chemin à poinçonner de table rase, traversé à l'autre de l'antre à l'envers de l'autre, soir en sorte, de sorte qu'il ne puisse pas transpercer. L'automnal pratique de fin en fan de. L'inverse est possible. Non, quoique il y ait. Non, mais l'aventure humaine semblante du point de vue de fausseté, oui. The other sublime version, or whatever there is, another aspect. Point of vision and other establishments, but it will be seldom. Whatever the point is, no way in hell. There'll be another happier face somewhere, whatever there is. The storm is thundering us under. No problem, not that I care. No way, not that ground. There is another way out of there. There's another hungover rope. Over rope. Over rope. Of a tide wall. Je suis contrariant. Je le suis. Je le sais. Voilà. This is where it's at. Ainsi. C'est ainsi fait. Elle se brise sur de riz en plaque. Scotch whiskey turned to a lyrical. I'm wondering its use. Its use. Alors, je suis de ceux qui inclut la conclusion à l'intro anal, mais qui inclut la conclusion à l'intro anal dans la divitor. C'est ainsi que le versus a une intrac. L'autre gamin je suis. Ok. Ouais. Ok. Ouais. On court tous après l'argent. Une chose instaurée depuis enfant, qu'il te faut plus de francs pour faire partie des hauts rangs. Mais la vérité, c'est que l'humanité, depuis longtemps, n'en possède plus que nécessité. Dans ces pays, soi-disant, que je n'oserais pas citer, tu connais bien démocratiser. Et ouais, beaucoup d'autres se font bombarder, canarder. La pure réalité, sans vulgarité, c'est que l'humanité est prête à s'écrouler. Plus de solidarité et d'unité dans ce monde illuminé. Tu vois, les élites bancaires favorisent ce système précaire pour créer un idylle loin de cette misère. Tu connais, et ouais, mon ami, et on est là. On fout le dawa, tu connais mon ami. Et ouais, ça c'est Canal Sud 92.2, tu peux pas tester. On est là, Toulouse. Et ouais, c'est une ville 100% de Tarlouse. Toi-même, tu connais pas mon ami. On est là, on déconne, on fume dans la zone. Bon, Toulouse. Et ouais. Ici c'est born to be alive, mon ami. Tous les jours c'est staying in alive, mon ami. Tu peux pas tester, et ouais. La seule et même voix qui réunit tout ça et bien d'autres, c'est la paix. Ne pas se fourvoyer, quelque apparence de billets ou de cash money. Un monde où ne connaît pas d'extrémité, de quelles que soient ses idées. En vrai, depuis longtemps, on aurait de quoi donner à bouffer, à se loger, et plus que nécessité. À toute l'humanité, la créativité dans cet état d'impunité. Ça serait de boycotter tous ces systèmes, de toujours payer, prendre son pays, c'est un dû qui appartient à l'humanité. Parce qu'en manger, on va tous canner, décéder. Le PDG de Nestlé qui pense la première nécessité, la vitalité de l'eau, faudrait la taxer. Mais quelle absurdité, dans un train de vie bien occidentalisé, où ne pense qu'à bosser pour toujours plus consommer, et à la fin créer le peut-être d'un rêve éveillé pour retraiter. Tu connais, tout n'est qu'instrumentalisé. Et ouais, pour toujours plus dépenser, la nouvelle ère est en marche, où tu n'auras plus droit au clash face à ces créateurs du cash. Une bonne remise en main s'impose, non pas un printemps arabe, ni je ne sais quelle guerre. Et ouais, une révolution de je ne sais quelle raison. Et ouais, faut se poser les vraies questions. Tu connais, d'un peuple qui voudrait marcher plus solidaire. Yeah man, tous les jours on est cool. Tu connais, on vadrouille mon ami, on s'en bat les couilles. Et ouais mon ami, moi je puise les grosses douilles. Tu connais. Et ouais, ça c'est pour ma famille de La Réunion. Et ouais, moi je suis parti, tu connais. Et ouais, moi c'était ma putain de city, ma putain de vie. Et ouais, tu peux pas tester pour fumer de la scène si toi-même tu sais, mon ami. Et ouais, c'est la guérilla tous les jours. Mon ami, moi je te dis de ce que je pense et ce que je vis. Moi-même, moi je mets des baskets, toi tu mets. Et ouais, moi putain, j'en ai marre de raconter ma fête. Et ouais, tous les jours, c'est tête à tête, ça fume, ça pète. Et tu connais mon ami, à base de quête ou de plaquette, on est là. Et ouais, tu connais, on se prend pas la tête, mon ami. Moi je te dis, ici-bas, trop de gars qui font des amalgames, extrémités. Tout ça, c'est pas pour moi, moi je suis là. En vrai, ce que je veux, c'est un petit chez moi. Et ouais, moi je te dis, SDF, tout ça, moi je connais, tu connais pas. Yes. Ouais, on est ouais. Al. Et ouais, on est Al, on fume le. pèse à mal, tu connais. On balance sur la putain de lyricale. Injection létale, toi-même tu sais. Canal Sud, et ouais, 92.2. Nuisance. Tu connais, ça pète dans ta tête. Toi-même tu sais même pas où ça vient. Ça nuit au sens. Et ouais, on est là. On fout le bordel sur 92.2. Tu connais les ondes, on est là. Émission, toi-même tu sais. Libre antenne. Et ouais, tu connais, y'a toujours pas de thème. On est sans gêne et on s'engraine. Tu connais mon ami, moi je te dis, je me mets pas de coke en zen. Mais bon, je suis là, tu connais, je fuck ce putain de système. Et ouais, on est là tous les jours, mon ami. La vie c'est que du lourd. Et ouais, moi je te dis. Ici bas, c'est pas relou la vie, non. L'homme sans foi ni loi ne pense qu'à son petit chez soi. Ses conquêtes s'en soumettent depuis à même la vie. Il vit de vanité dans cette société. Fait d'un quotidien bien routinier où il ne faut pas bon être miné. Déterminé, nous le sommes que pour des sommes. Mais on continue à s'en foutre de la misère en Somalie, tu connais. Et ouais, on est tous et on sait tous que l'homme déconne et qu'à la fin, la nature, j'espère, reprendra les rênes. Sans gêne, sans thème, elle apposera aussi à son tour la haine qu'on lui a fait subir à force de millénaires. La planète Terre deviendra un désert tellement vénère que la même galère d'autrefois, on la regrettera. On payera tous le prix de ses actes indécis. Sans crédit, on n'aura aucun répit pour que ça change et se rétablisse. Donc moi le métis, je t'explique, tu connais que le maintenant est tellement critique qu'il faut faire plus flé les hypocrites, tu connais. Et ouais, ne plus se soumettre et ne plus la faire mettre par des traîtres qui pensent qu'à leur petite conquête. En tout cas, j'espère que l'humanité va avoir un peu d'humilité, ranger sa fierté, élever sa piété et garder en réalité notre avarice nous rend si substantifs par millions de catrices. Tu connais, je sais qu'il n'y a pas de monde parfait et que ce qui est fait, mais sans rapacité, refait ses idées. Prendre, vivre dans la simplicité, ne pas voler, ni quémander, ni arracher, encore moins s'entretuer. Je pourrais pas tous les citer, mais marre de développer sur cette race de guerriers qu'est l'humanité. Et ouais, on est là apparemment, tous à décider, voire tous pomper jusqu'à sa propre fertilité. Et ouais, on est tous détubés, je te jure, bien tous décimés, putain, je te dis, et ouais. Tellement je mets d'émotion dans tout ça. Et ouais, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe avec Al. Tu connais mon ami, on est là. 92.2, y'a Eric Clapton à la guitare. Tu connais mon ami, c'est tard. On fume des gars des arts le soir. Et on fait des petits remix de n'importe quoi. Tu comprends pas c'est quoi, mon ami. Tu peux pas tester, on est là. On est là, 92.2, on est là, Canal Sud, nuisance sonore. C'était Steve sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Sur une instru rap old school de Devana Productions. Bon, on va écouter la merde un peu là. Dans cette merde inoriginale au possible pour segmenter le bon du méchant mal. Ça, c'est ce qui fout de l'hôpital et de la charité, c'est ce qui se fout de l'hôpital et de la charité. Translation. Sucks cause these stupid, foolish, petty, inhumane humans deserve, they deserve it so much, they'll get it, the whole thing. It won't daze, it won't pace, it'll slowly and surely put to waste all of these human ideas. Goddamn fools, all of them, they deserve to die a rat, they rat already in fact. Trempant dans la fange qu'il et elle se bouffent, entre les repas se font rares à euthanasie-land. Bordel de foutre, qu'ils crèvent, non mais, faut pas exagérer, on peut pas être merde, fichier, de foutre, bordel. Qu'ils y crèvent, c'est sale merde, sale raclure de chiottes à lécher, du bout de la bite dans la bouche, purulence d'épaisse, une pierre de cou, nous diront-ils, ou elle, et bien oui, très bien, même non, mais il faut un porc pour reconnaître un porcidé, et nous savons tous et toutes ce que c'est de merde la vie humaine qui dévore rien, qui dévalorise tout. Tout le crédit disparaît dans un fichtre. N'actionnons pas la pédale à tuer l'épée, non. Actionnons le bouton à tout péter. Cette espèce de merde qui pourrit tout, celle-là, oui. Celle proche de tout, ces enculeurs et euses de mouches. Nous quoi, prenons-les pour ensanglanter les rues de la terre dans le la désembourbante cruauté. The world, the human one, is of old and changingly the same. To all the other creatures on the planet, kill them, I mean now. While we still can, let's rid ourselves of their monstrous faces filled with cum and pus. Cause it's been a while since we swallowed it whole. The shit of our not so petty but discredited existence. I mean, being mean will help the barbarians, savages, and other bipedestrianizing patronizers stay. They say, stay with us, say all the straying monsters. And all the while, the human fratry, brother-sisterhood, lunges down past the flower pots and crash in the unending propeller moving forward line. Unending. The crashed egg skull squirts its invisible yet so real juices in the soil. Our lives have been soiled by each other's soiledy. Soilness, should I say? No, should I say? Yes, I should and do. Disgust, or rage, or hate, or such, are unappropriate, approximative qualificatives, as in identifications of the nature of the Earth's problem, which is man, humanity, in its down-to-earth meaning, is solely a problem to its leaders. The people have all taken refuge in themselves, maddened by the social pressure. We linger on scraping the sidewalk of our void ways, with what's left over of our fingernails, bloodied in the gushing of the heart-beating pressure inside the veins and arteries, as if we had a chance in hell. There's no point in searching in hell, it's all lost to itself. Detainable goal remaining to be as always, revulses every now and then because of responsibilities and squirmings. The wonder is marveling the dishonest, travelers on a non-found road. That of a present living and existing without us. Such vile and miserable creatures, humans, relish of causes but never end, the betraying darkness of their unattained mind-spirit potential as in speculative potentialities. They die, unhappily, sadly, fearing of freedom at last. They are ingrates, not knowing what's good for themselves. Not that we may believe in our egos, quite the contrary, in fact, you revel in your scum-filled water energy of life-ridden. They've gotten rid of themselves, survival of life instincts, and will go on till I die. Not knowing death, does it mean death ignores life? No way. Quite a conscious part on death's head at long last. What a fucked up story. What hell, how ironic. Shit, I mean, that's the story, to the end of it. On a shuttered island, the pains, instantaneous. Dying, rather than feed the wolves. Kill them all, j'y tiens, tous et toutes, y compris. Tout ce que c'est que ça. Le besoin né d'une atrophie mentale surimposée, alors que l'imparfaite faille ne fait que nourrir l'espoir de... Thank you. C'est l'heure de dire l'heure, comme toutes les demi-heures sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Une adresse, le 40 rue Alfred Duméry, le 31400 Toulouse. Une émission nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Même Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd, joué par Eric. Toutes les nuisances sont disponibles sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. Nuisons ensemble à l'humanité tout entière, car nous sommes humains et nous nous nuisons les uns aux autres. Pour toujours. Les âmes latentes, attendantes, sur une piste de ski sur sable. Des gros patins se roulent, les tués, pour pan, quick, burger, aïe, à mort, les crever comme des abcès. Qu'ils soient abscons ou pas, les crever, pour mieux finir ce qui est commencé, l'éternel territoire. The rampage is on. To kill them, all of them, we will find a way there, we will find a way. They deserve their death, vile creatures, we deserve to die, we deserve it, yes, fuck it, kill, kill, kill, destroy. There's only one meaning to the signature, the rot, decay, and other remnants must expunged. Damn things, let them die. Stupidity at its best, humanities, most of it. Damn those things. We hope to have ended the question soon. The answer to it all in death. The lady death. It is nearer, good. I do wish it were there for us already. The insects kill us. The insect formed shitholes of things. Vile, stinky creatures, and we'll all die forever alone, together alone. As it was said, you'll die alone. Midnight, Friday, the 16th of September, 2011. Nunzio Culardo. Insectoid. J'imagine faire des trucs que je fais pas. J'imagine faire des trucs que je fais pas. J'imagine faire des trucs que je fais pas. J'imagine faire des trucs que je fais pas. J'imagine faire des trucs que je fais pas. J'imagine faire des trucs que je fais pas. change automatiquement des rythmes et tout ça. Thank you. Thank you. Thank you. Oh.

ça serait fini. Enfin, je veux pleurer, mais je ne peux pas. Je me hais tellement. Je n'ai pas même le droit de pleurer. Je sais, je déprime, mais j'en ai rien à foutre. Ils m'en veulent tous, je le sais. Tellement je suis parano, je veux juste crever. Je n'ai rien pour moi, je ne vois que ma connerie. I see the dumb shit fuck faces and hate them. I wish I were killing. They hate me, so even voodoo won't help. Insane motherfucker shit. Je suis la chose qui déterre. Je suis la merde qui en chie. Je suis. Et c'est pourquoi je ne vois que le sommeil pour agir. La merde putain, intelligence de merde. Je ne veux rien qui ne m'apporte rien. C'est-à-dire, je me fais, je change. Ainsi c'est la vie. La chose qui me chie. Je ne veux pas. Je n'ai jamais rien pris. Sorts. It's sort of filling, damn. Picture a ship on a gray meadow. It's full of shit. I see the follow-up coming and know it's waving goodbye. I sense nonsense. I see the end of a grail. I know it's just a stink pot. I'll clean the room. It's a shit-faced fuck. I know it's a goddamn racing against a racing shadow. But it's there already. I know there is no sense to struggling. Je suis encore une fois de travers, car en travers, ce bloc, je vois la merde encore, là, la chose. Je mets la chose dans la merde, la chose, elle est merde aussi, oui. La passion se défait, heureusement. Je vois Elise, elle, je me vois, je suis, non, si, mais c'est fait, oui, mais pas défait, non, je me vois. Je me permets des fois en fois. Je vois la mince, la beurre, outragière, outrancieuse. Je me prémisse doré de là, je me vois là. Mais là, là, il n'y a point. Je ne vois car je l'entends. Je vois, mais c'est fini. Et c'est ainsi. Car il faut se faire claquer. Shit. I feel the shit spoiling. Permission of a ridden with matter of grayish beard. I know it's done. I see as I feel. Like shit like faced of I know. I know I can tell. I shove past. Is I? I am like a liquid stone. I follow my nonsense. Reason has not as I not there. I understand the glory. I feel the showery sprays spewing down to a tank of full of gas. Cause weed like hair, I know, I see. Je ne vois la valeur que le ressenti. Je me suis la trouble. Fait-on la mort. De la solitude à la mort, ennui. Je ne crame, dont la chaleur. Je me salue, plein de merde. Je car la merde de balance. Je mets la C. Je vois, je me noie, je veux mourir. Je l'aime, tellement je l'aime et je veux être elle, la mort. Car j'aime la mort, morte, mourante et merde. Et je la liaison lasse d'une lassitude de moi. Je ne crois pas. Je me vois la différence. Oui, je me vois. Et je me mets la table de travers. Je me mets la table, me la caresse en saignant du nez. Je me rehausse, pourri de merde, ainsi, et je me redresse, car je me suis encore. Je vois, car je la vois. Vois, elle est, il est donc que chatte, minou, bite. Je me comprends. J'ai écrit suffisamment clairement. Je me suis encore trompé. Je vois la chose qui m'obsidienne, déblatérée. Je car la vois en pulsivité. Je me car là. Je me la fous en travers dans. Je ainsi car de ce fait d'enfin je ne. Je me la vois encore que bite chatte. Je me suis encore gouré. I wish some anythings come. I come on myself. I am. I come on you. I come everywhere I go. No. Where am I? As in I am, I wish to part through an obvious propension to dealing stupidity everywhere, especially comprehend, because where am I? Yes, I wish I was there too. Yes, no, who gives a fuck any down, tons of tuna fish and scales, as I know what it is, I know, fuck, faced it. Fuck me, fuck you, fuck everybody. I know way out of hell, that's the thing about it. I follow a scoreboard full of shish. I wish I knew. Here as I wish. I knew what I don't, but who gives a fuck? I know what I know, so fuck it. That's the crown on others, as in tergiversation multiple. Et donc, ainsi, l'amour ne se fait. Enfin, ce je me suis droit. Moi, ne, dans. Je vois la dent contre moi. De moi à toi, à moi. Secours de place en atlas, je me, il me tournoie, je ainsi, je non, je me mets à ma place, je me la fais de l'effet, l'habitude installée, posée, le rythme là, je me procure une propension à me profondiser, je me vois, je ne sais pas la réflexion que je Je me vois encore écrire une tablette de mots noirs, dans les trous. Je suis pas là, je suis pas là. I hate you all. FM ou canalsud.net, c'est nuisance. Je vais les accorder. Ouais. pile de café. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Je serai seul devant.